Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 11 février. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Kraft Hockeyville. Dans la section entrevue de dernierradiosport.com, on a parlé avec Alexandre Paradis qui est un des membres du comité de la candidature de Saint-Félicien dans le cadre de Kraft Hockeyville. Et dans un premier temps, il s'est dit quand même content des résultats. De publicité pour réussir à rejoindre le plus de personnes possible. C'est certain que ça a marché. On a eu beaucoup de commerces qui se sont affichés en faveur, même, tu sais, oui, surtout local, un petit peu plus même à l'extérieur de la ville. Mais écoute, on est quand même très content de l'appui qu'on a eu. C'est certain que Facebook, en tant que tel, ne donnait pas de points. Il fallait vraiment aller sur la page du site de Kraft Hockeyville pour pouvoir répondre aux trois petites questions qui donnaient 10 points, les photos 1 point, puis les notes 1 point. Fait que c'était ça vraiment. On s'est rendu, écoute, on avait mis un objectif de 1000. Okay. On s'est rendu là à 1579 bulletins. Ah, fait que bon. Oui, on est quand même très satisfait. On aurait aimé ça d'en avoir 3000, mais écoute, on prend qu'est-ce que la population a appuyé. Et le comité, évidemment, est en attente actuellement de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec pour les prochaines étapes. Contrôle, hein? On va faire exactement, on n'a pas de pouvoir. Nous, on fait qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comme information, là, tu sais, je donne aucune mauvaise intention. C'est moi qui le fais, pas pareil. Mais c'est ça, écoute, là, rendu là, nous, là, présentement, on est en attente. Kraft Hockeyville va annoncer le 14 mars les quatre finalistes, les quatre villes finalistes dans l'Est et dans l'Ouest. Okay. Fait qu'après ça, il va avoir, après le 14 mars, qui va être l'annonce, les quatre villes, il va avoir une ouverture du vote. Le vote va se passer du 27 mars midi au 28 mars 20h30. Okay. Et le gagnant est annoncé le 28 mars. Okay. Fait que dans le fond, la période de votation se termine à 20h30 le 28 mars. Puis eux, ils disent qu'ils vont annoncer le gagnant le 28 mars. Fait qu'on s'entend que j'imagine vers 9h, 10h, j'en ai aucune idée, mais à 8h30, les votes ferment, puis eux, après ça, vont faire une annonce officielle. Là. Mais d'ici à ce temps-là, j'imagine que dans le dernier temps, ben Alexandre Paradis nous parle qu'on se prépare comme si Saint-Félicien serait choisi. Faut pas rater notre coup. On s'est parti trois semaines en retard. Ouais. Pendant le premier processus ici qu'on vient de terminer justement hier, là, on va se prendre vraiment d'avance. On est quand même confiant de notre candidature. On a une bonne candidature. Comme on disait, les points valent, les bonnes histoires valent des points. C'est certain, il faut se rappeler là, l'objectif du pourquoi qu'on est là présentement. C'est M. Saint-Hilaire qui veut redonner à la population de Saint-Félicien qui l'a appuyé. Là, est-ce que le fait que vous avez Robert Val déjà eu pourrait vous dire? Puisqu'il est question de Saint-Félicien, le conseil municipal hier a adopté un projet, évidemment, pour démarrer l'étude qui pourrait mener à une cure de rajeunissement du centre de ski de Toboski. Si tout va comme prévu, le centre de ski de Toboski pourrait voir, évidemment, un nouveau remont de pente, un nouvel éclairage également, et plusieurs autres aménagements seraient refaits. Et on aimerait démarrer les travaux et rendre ça final vers l'année 2026. On va parler avec Luc Gibbons au cours des prochaines journées pour en savoir davantage sur ce projet. Parlons maintenant de Fabrice Fortin de Saint-Félicien plutôt. Il a joué son premier match avec les Saguenay de Chicoutimi. Celui qui s'aligne avec les élites de Jonquière a été quand même content de sa performance. J'avais un peu quand j'ai appris que j'allais jouer avec les Saguenay. Enfin, j'ai l'ai de la journée d'avant. Okay. Mais j'étais stressé, mais un bon stress, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte, puis ça s'est super bien passé. Est-ce que dans le fond, toi, tu pensais être rapide? Fabrice Fortin espérait être rapide. C'est sûr, certain que j'y pensais, puis que. Pas que je m'y attendais, mais que. J'apprendais un peu le moment que j'avais hâte. C'est sûr que j'aimerais ça. Puis, ben, tu sais, fallait pas trop que je focus là-dessus, puis il fallait que je me concentre sur ma saison, mais c'est sûr que je pensais un peu, puis j'aimerais ça, c'est sûr. OK. Et dans un dernier temps, ben, le joueur de Saint-Félicien a trouvé quand même la vitesse d'exécution. T'es plus rapide. C'est sûr que ça va un petit peu plus vite que dans la ligne de 3A. Ouais. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que je me sens des gars, tu sais, mettons, moi j'ai 16 ans, puis je mesure 5 litres environ, c'est environ 160. Il y a des gars de 200 livres. Il y a des gars de 20 ans, tu sais, ils sont beaucoup plus gros, mais c'est pas. T'sais, moi, ça me dérangeait pas personnellement. La Ligue du Lac-au-Fleuve a fait connaître ses honneurs individuels pour la dernière semaine. Donc, Steven Girard est la première étoile de la semaine. Donc, celui, l'attaquant des Constructions d'Avenir, a marqué 2 buts et a amassé 3 passes lors de la dernière fin de semaine. Michael Drolin est la 2e étoile avec une position de 2 buts, 2 passes. Et Alexandre Roy-Dupuis est la 3e étoile. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec l'ancien entraîneur et dépisteur de la première mouture du multiconcessionnaire de Dolbeau-Missassini, Pat Lassalle, qui est devenu l'entraîneur d'une équipe de l'Université d'Ottawa et de Gatineau. Donc, on lui parle hier, on lui a parlé. Également, Fabrice Fortin de Saint-Félicien qui a joué son premier match avec les Saguenayens. Et vous pouvez également écouter Alexandre Paradis qui fait partie du comité pour Kraft Hockeyville à Saint-Félicien. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en est.